L'office des Pâques s'est tenu le 16 aux églises de Ponsou et de Tilgol, en présence des permanents du comité central de la Fédération des chrétiens de Corée, les clergés des églises, les croyants, les compatriotes coréens et les hôtes étrangers en séjour à Pyongyang. Lors de l'office, on a sermonné et prié pour appeler toute la nation coréenne à unir la force et à faire un apport en faveur de la réunification indépendante en cette année significative marquant le 45e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune du 4 juillet et le 10e anniversaire de la publication de la déclaration du 4 octobre et pour s'engager résolument à remplir l'obligation digne des chrétiens en vue de réussir dans l'immédiat au grand meeting pan-national pour la réunification afin de contribuer par action pratique à l'amélioration des relations intercoréennes. Ensuite, a été rendu public le texte de prière des Pâques convenu avec le Conseil des Églises chrétiennes de Corée du Sud, suivi de la scène consacrée aux Pâques.